Alors, nous avons les Filmineuses en entrevue. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sarah. Moi, c'est Anaïs. Alors, ça vient d'où ce nom, les Filmineuses? C'est quoi ce groupe? Ça vient, Agnès et moi, on s'est rencontrés donc à l'école, puis on a vu qu'on avait des affinités au niveau politique et au niveau de qu'est-ce qu'on avait le goût de dire. Et puis le nom, ça nous a pris du temps à le trouver, là. Ça vient d'une séance de brainstorming. Ouais, assez intense. Uh-huh. Pour trouver quelque chose qui montre à la fois qu'on soit revendicatrice, mais en même temps... un peu mystérieux aussi et pas trop effrayant, comme un peu une conciliation entre ces idéaux. Ouais, parce que mettons, il y a une certaine rage, une certaine révolte qui est derrière, un peu devant le monde, devant la constatation de ce qu'est le monde. Puis entre nous, on peut être assez critique et assez violente. Ouais, c'est ça, mais qu'on essaie quand même dans nos actions de rester respectueuse ou en tout cas de pas gentille, mais tu sais, comme on essaie de se rendre audible quand on veut pouvoir être entendu, même si c'est triste à dire que ça demande de faire beaucoup de compromis parfois pour devoir être audible, en fait, enfin pour pouvoir être audible et être pouvoir agir, en fait. Si on ne fait pas certains compromis, on a l'impression qu'on ne pourra pas s'exprimer, alors on fait un peu des efforts. Puis comme le féminisme semble un mot un peu tabou, en tout cas il est porteur de beaucoup de... il est très négatif dans la société, ben on essaie de compenser d'une certaine façon. Mais compenser quoi exactement? Ben peut-être, c'est ça, le compromis peut-être dans ne pas se présenter en tant que féministe, même si même si on dirait que c'est s'avouer vaincu, mais c'est comme si on essaie de... On contourne le problème. Ouais, c'est ça, pour pas que les gens partent avec des préjugés à la base, puis et se ferment à un discours qui vont... qui voudront pas entendre parce que à cause justement de toute cette lourdeur là qui vient avec le féminisme puis les féministes puis le préjugé, le gros stéréotype social qui est véhiculé dans la société. Ben ça donne peut-être l'occasion d'en parler. C'est quoi ces stéréotypes qui sont véhiculés sur le féminisme et c'est quoi ces bases de stéréotypes, d'où ils viennent? Ils sont basés pas mal sur une critique en fait d'une identité femme qui est en fait déjà il y a une vision sociale stéréotypée de qu'est-ce que ça devrait être une femme, donc des femmes, et une femme qui ne tient pas dans son rôle en fait, qui ne veut pas rester dans le rôle qu'on lui donne et le seul qu'on lui laisse en fait, et qui donc se montre un peu revendicatrice, un peu justement de remettre en question ce rôle-là, et ben on pourrait dire que c'est une féministe et que déjà ça pose problème en fait ça. Donc d'office, il y a une critique qui va lui tomber dessus en fait. Ouais, puis peut-être aussi la vision de l'hystérique, donc la femme qui va être trop revendicatrice, qui va devenir émotive. Qui va être mal vu, alors qu'un homme dans la même position, pour lui, il va être vu comme agressif, ça va être un bon joueur, tu sais, il va être... alors qu'une femme, c'est comme non, toi, tu dois être posée, être belle et séduire, tu sais. Puis là, si tu nous craches dessus, ben, on trouve pas ça agréable, puis on n'a pas le goût d'argumenter avec toi. Puis souvent j'ai l'impression que parce que on est femme et que on parle de notre condition féminine, ben on va dire t'es pas la meilleure pour parler de ta condition parce que tu es une femme. Donc t'es juste en train de prêcher pour ta paroisse puis genre vouloir tirer la couverture de ton côté, alors que l'hétéropatriarcat, pour moi, est bien présent encore aujourd'hui, même au Québec, où on va dire que c'est un des endroits dans le monde où la femme a le plus de place. Mais je pense que c'est pas parce que c'est mieux ici qu'ailleurs qu'il faut s'asseoir là-dessus. Surtout, justement, en prenant conscience du nombre faramineux d'agressions sexuelles qui se passent et qui ne sont pas dénoncées d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui empêche la dénonciation des agressions sexuelles? La culture ambiante, qui fait que, déjà, pour dénoncer une agression sexuelle, il faudrait considérer vivre une agression, en fait. Ça demande une possibilité de se penser comme sujet et comme personne qui a un corps et qui a le droit à une intégrité, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans la culture dans laquelle on est. Ouais, c'est ça, juste de reconnaître que des agressions, ben, on en subit à divers niveaux à chaque jour, en fait, puis que juste de reconnaître qu'on a vécu une agression, des fois c'est long, puis on va rester avec un malaise après une expérience, puis c'est par après qu'on va se rendre compte que, ah ben tiens, notre intégrité physique n'a pas été respectée. Puis toute la culture du viol, moi j'aimerais bien qu'on parle de la culture du viol, parce que des fois c'est dur d'entendre ces mots-là, mais c'est bien ça, là. Ça garde en fait le tabou autour de l'agression, puis justement pour pas qu'on en parle. Puis je pense que il y a la première étape de le reconnaître, puis souvent ça vient avec une honte, en fait, qui découle aussi de la culture du viol. C'est une question qui a l'air un peu bête ou simpliste, mais c'est quoi une agression sexuelle? Comment ça se caractérise, puis ça serait quoi les diverses formes de comment ça se vit? Ben nous, on avait un peu réfléchi à une définition simple et courte de qu'est-ce qu'une agression sexuelle. C'était tout acte qui ne considère pas le consentement, en fait, enfin, en lien avec le corps. Je ne sais pas si c'est suffisant comme définition, mais c'était un peu une simplifiée qu'on avait, sur laquelle on avait travaillé. Donc, tout acte qui se caractérise par un non-consentement? Ou qui n'est pas de recherche du consentement, tout simplement. Ouais, c'est ça. Qui ne le prend pas en considération, en fait. OK. Puis, parlant du concret, comment ça s'est véhiculé de différentes façons dans les derniers temps? Parce qu'il y a eu beaucoup de dénonciations, mais est-ce qu'il y a des éléments communs à toutes ces dénonciations ou c'est vécu? Des éléments comme je sais pas trop. Ce dont je peux parler, c'est que je pense que ça vient aussi du post-grève, qu'il y a à un moment dans une communauté donnée. Puis là, je vais parler vraiment de l'extérieur de ce que j'ai entendu. Puis donc, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait des agressions qui avaient été commises. Il n'y a pas eu dénonciation. Il y a eu dénonciation dans le milieu, je crois. Puis après, donc c'est au mois de novembre passé où là, il y a eu des dénonciations publiques sur Facebook, entre autres. Et puis ça a brassé beaucoup, beaucoup de choses, je crois. Puis ensuite, il y a eu à l'Université d'Ottawa, entre autres. Puis... Sinon, en ce moment, il y a une enquête qui est sortie d'une espèce d'épidémie d'agression sexuelle dans l'armée. Donc, je crois que, pour moi, c'est un phénomène qui a toujours existé puis qui était juste tu, en fait. Puis là, on commence à en parler, puis les gens, on commence à parler de culture du viol et tout. Mais d'après moi, ça fait, je veux dire... c'est pas quelque chose, en tout cas, dans les statistiques que j'ai lues, là, c'est pas quelque chose qui a baissé avec le temps, là. Plus que t'en parles, puis que tu insistes aussi pour qu'on en parle, comment vous définiriez qu'est-ce que ça veut dire que la culture du viol? Pareil, on avait réfléchi à ça, donc la définition qu'on avait trouvée, c'est donc une culture dans un système social donné qui normalise et légitimise l'expression de la domination, critique les victimes et leur fait porter le blâme, protège les agresseurs, invisibilise les agressions sexuelles. Elle met de l'avant l'idée que les agressions sexuelles sont un enjeu individuel et rejette l'idée que ce soit un enjeu collectif. Je voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ben, peut-être que c'est pas... je pense que ce sur quoi c'est important de miser, c'est que, justement, c'est ça, c'est pas individuel. Que c'est le privé et politique, les féministes ont souvent dit, là, puis moi, je le crois beaucoup. Puis, puis une preuve, c'est que même dans un milieu plus alternatif où on va se dire politisé et tout, on va reconnaître l'existence du patriarcat puis d'une domination genrée, on va quand même dire que ces agressions-là, qui sont très souvent commises par des hommes sur des femmes, que ça va être quelque chose d'individuel. Puis, on nie complètement les agressions juste banales de tous les jours qui sont visibles, mais qu'on va pas dénoncer parce que, ah, c'est pas grave, parce que des agressions, on en vit comme ça un peu à tous les jours. Puis... Puis moi, je voudrais rajouter, dans la culture du viol, il y a vraiment... En fait, c'est une culture. Ça veut dire que ça fait... c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement social et sociétal, en fait. Et donc, la culture du viol, en fait, elle est partout. Elle est dans tous les films, dans tous les livres qu'on lit, dans chaque fois qu'un journaliste parle d'un fait d'actualité qui traite de ce sujet-là. Elle est dans les structures, dans les institutions... vraiment dans la culture populaire, dans le langage ambiant, et c'est ça en fait qui la rend enfin juste, elle est complètement intégrée à notre société en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est de commencer à la voir, et de, quand t'arrives déjà à la voir autour de toi, et de réaliser ben en fait, elle est là, oh, elle est aussi cachée là, et puis, ah bah tiens, elle est encore là, ah bah c'est bizarre, en fait, elle est vraiment partout, juste d'avoir cette... commencer à cette prise de conscience-là, je pense que c'est ça qui est intéressant pour que tout le monde réfléchisse, en fait, et de plus en plus soit sensibilisé et soit capable de la voir. Et je pense que c'est quand on commence à la voir quelque part, qu'on la voit de plus en plus, qu'on peut commencer un peu à agir dessus, si on peut agir dessus. Ça pose la question aussi, la culture du viol. Est-ce que c'est pas une des conséquences, finalement, de simplement... de l'existence de ce que vous appelez l'hétéropatriarcat? Oui, tout à fait. C'est... Puis, la base de ça, je crois... Où... Puis, tu m'aideras, Anaïs, là, c'est... On est dans la grosse... dans la grosse matière, on dirait. Mais juste le viol conjugal n'existait pas avant, tu sais, le devoir conjugal, donc l'hétéropatriarcat, la famille, le mariage, le consentement nous appartient depuis très peu de temps, finalement. On a le droit de divorcer, ça fait pas très longtemps. J'ai pas de date. Je me souviens plus, mais c'est assez récent aussi. Puis donc, le droit de dire non, alors que c'était dans le contrat du mariage, la femme se devait de satisfaire son conjoint. Puis elle n'avait pas à dire oui au mariage, c'était son père qui consentait pour elle. Donc c'était vraiment un passage de femme. La femme était un objet qui était donné d'homme à homme. C'était un bien. Voilà, et donc... voilà. Alors, nous sommes toujours avec les filmineuses. Rappelez aussi que nous finirons aussi l'émission avec la chronique de météo du Pequakami, intitulée « La chronique Inou Propage ». Et nous parlions des agressions sexuelles et aussi de toutes ces pratiques d'agressives qui viennent sans consentement. Donc, ça nous amène à parler de ce que ça veut dire, le consentement. Oui, donc nous, on, dans la foulée, disons, des dénonciations d'agressions sexuelles, et parce qu'on avait déjà le goût de parler de consentement, ben, on a décidé de monter et donner des ateliers sur le consentement. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on se base pour répondre aux questions. Pour nous, la définition du consentement qu'on a pensé pour cet atelier, c'est le consentement, c'est l'accord explicite de plusieurs personnes sur des pratiques qui ont été précisées en fait. Et le fait de consentir, ce serait exprimer ses limites et entendre celles de l'autre au cours d'un dialogue. Ouais, dans le consentement, pour moi, c'est vraiment important de dire il y a co, ça se fait à deux, à plusieurs en fait, puis que ça ne peut pas être ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire dire non. Puis je trouve que on enseigne beaucoup aux jeunes qu'il faut dire non, alors qu'on n'enseigne pas qu'il faut demander la permission avant de faire tout geste qui soit sur quelqu'un d'autre. Puis, il y a aussi toutes les caractéristiques du consentement. Comme par exemple, il doit pouvoir se retirer à tout moment, il doit être libre et éclairé. Et ce qu'on entend par libre et éclairé, ce serait sans domination, insistance, inconscience. Donc si la personne dort ou est inconsciente, on ne peut pas parler de consentement libre et éclairé. Il doit aussi être obtenu sans contrainte et comme contrainte peut-être un peu cachée, qu'on n'identifierait pas forcément des phrases comme t'es plus mon ami ou menacé de quitter la personne ou d'exprimer des émotions très très fortes. Ça peut être considéré comme des contraintes, comme de poser des phrases comme par exemple bah, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu de sexe, de poser des jugements, ah t'es une agace, t'es frigide, t'es impuissant, blablabla. Beaucoup de trucs comme ça qui c'est comme. C'est des contraintes, en fait, répétées pour obtenir par l'usure, c'est aussi une contrainte. Le consentement, il ne peut jamais être pris pour acquis, donc il faut toujours le réquestionner. Et consentir une fois, eh ben, c'est pas du tout la même chose que consentir toujours. Donc on peut consentir une fois à une activité, mais demain ou 10 minutes plus tard, eh ben, la question se repose. Est-ce qu'on veut encore? Est-ce qu'on veut de nouveau? À voir. Aussi, comme autre caractéristique, on n'a pas à attendre ni de soi ni de l'autre que de savoir à l'avance ce dont on va avoir envie ou pas. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important de re-questionner. Et selon la loi, le consentement n'est pas valable sous l'effet de l'alcool et ou de la drogue. Alors là, on n'a pas posé la question du taux. Et ben, du coup, nous, à partir de là, en fait, on sait qu'il y a quand même des personnes qui ont des activités sexuelles, eh ben, avec un verre d'alcool ou avec d'autres consommations. Et du coup, on pense dans nos ateliers qu'il y a des outils en fait qu'on peut développer juste parce que eh ben, voilà, il y a des gens qui vont avoir quand même des activités et que dans ce contexte-là, même si ce sera illégal au sens strict, il y a quand même des moyens de s'outiller en fait pour gérer ces situations en justement en y réfléchissant à l'avance et non pas sur le moment, forcément. Je sais pas si on veut en dire plus maintenant là-dessus ou pas. Mais... Est-ce que la culture des parties? Des parties. Ouais, parce que c'est pas juste dans la communauté anarchiste ou dans la communauté queer ou peu importe, mais les parties, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très encouragé socialement. Les parties, les bars pourraient en faire partie aussi, même si c'est pas nécessairement un party. Mais tout ce qui est culture liée à la consommation d'alcool et de drogue et à l'excès, dans ce sens-là. Est-ce que ça encourage la culture du viol? Je pense pas que nécessairement ça encourage, mais c'est vraiment un facilitant, en fait, que c'est souvent sous l'alcool. Puis c'est intéressant de voir comment que finalement, j'ai l'impression qu'on apprend tellement pas à communiquer, à communiquer nos désirs, à écouter nos désirs, à qu'on a besoin, dans le fond, d'alcool, de drogue pour se détendre, puis se donner l'occasion d'aller vers l'autre. Sauf que les parties étant ce qu'ils sont, ben, puis l'alcool et tout ça ayant les effets qu'on connaît, ben, c'est plus facile dans ces moments-là, donc d'aller trop loin, puis de pas écouter, de pas s'écouter non plus, puis de se laisser faire ou de... C'est un peu un moment, je pense, souvent le party où on veut être hors de la normalité, en fait, de notre normalité et de notre quotidien, d'où la consommation. Et cette consommation, ça peut être en réponse justement à des oppressions subies, en fait, ne serait-ce qu'à une conscience du monde comme il est, qui génère eh ben, ouais, l'envie de l'oublier un peu ce monde. Mais ce que ça peut faire aussi, c'est que dans la consommation, eh ben, on n'est plus tout à fait pareil et qu'on a du mal à tenir compte de nos propres limites à nous et de celles des autres aussi. Puis souvent, ça va faire ressortir des comportements de domination. Puis peut-être creuser les fossés entre domination, oppression. Donc, puis on va... Il y a de la musique, il y a de l'alcool, les gens ont du plaisir. Donc, les malaises ressentis par certaines personnes vont être encore plus invisibilisés parce que certaines personnes sont vraiment dans le party. Puis une blague qui pourrait être déplacée ou un geste, eh bien, il va passer... il va être passé sous silence, puis finalement, tout le monde va l'avoir vu, mais personne n'aura rien dit. Puis il y a une culture de consommation aussi dans un party. Quand je parle de consommation, je parle drogue, alcool, sociabilité, mais aussi sexuelle. Il y a clairement une espèce de contrainte à être, et donc à éventuellement avoir une sexualité avec les personnes présentes. Si on n'en a pas, ben, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir une remise en question. Les gens, enfin, il y a tout un personnage social, en fait, qui est visible pendant un party et qui est aussi une contrainte de passer pour une personne comme ci ou juste de se prouver à soi-même qu'on est comme ça, qu'on a ces moyens-là, de séduire. Enfin, ouais, il y a toute cette question de l'estime de soi qui arrive. Est-ce que je suis capable de plaire? Est-ce que je suis capable de séduire quelqu'un? Tout ça. Puis même aussi la pression à avoir une sexualité, des fois, qui va faire que, par exemple, dans un party, on va voir un ou une bonne amie qui va être en train de frencher à la bouche que veux-tu et tout. Puis des fois, j'ai l'impression que la réaction sociale, ça va être comme « Ah, oh, cool, tu sais, cette personne va probablement avoir une sexualité ce soir, génial. » Alors que, est-ce qu'on s'arrête pour demander à nos amis, est-ce que ça va, tu sais? Est-ce que, tu sais, je vois que t'as consommé, est-ce que t'es consentant, consentante là-dedans? Puis, des fois, on prend pour acquis que le non-verbal de la personne va être vraiment dedans, mais est-ce qu'elle s'est arrêtée pour se dire, OK, là, j'ai bu, est-ce que j'ai le goût de rentrer avec quelqu'un ce soir? Ouais, on prend pour acquis que la personne va vouloir de la sexualité, en fait, d'office. Alors que pas nécessairement. Et peut-être que cette personne, avant de venir, elle s'est dit « Ah ben non, moi, pendant ce mois-là, ou cette semaine, ou aujourd'hui, je veux pas avoir de sexualité, en fait. » Et que ça peut être tout à fait une décision. Et que bah, dans ce cas, ça peut être intéressant qu'on donne du soutien à la personne pour qu'elle puisse respecter sa propre décision et se respecter elle-même, en fait. Et ça, ça peut passer par des pratiques collectives, que ce soit parce que cette personne a décidé de ne pas avoir de sexualité aujourd'hui ou toute sa vie, ou bien parce que elle a décidé d'avoir de la sexualité, mais une sexualité respectueuse où elle est respectée et elle se respecte elle-même, et que ben, ça peut passer par des process collectifs. Donc, par exemple, comme se checker les uns les autres, comme Sarah vient d'expliquer, d'être attentif nous-mêmes à notre consommation, mais ça peut aussi être attentif à la consommation de nos partenaires, questionner nos états, questionner aussi celui de l'autre, du coup, dans notre tête, comment... de voir un peu où est-ce qu'ils en sont, mais aussi verbalement, en fait. Ah ben, j'ai vu que t'as bu deux verres, comment tu te sens? Enfin, poser, en fait, tout ça, dire, au lieu de penser que si on l'amène, ça va être juste malaisant, ou comme... En tout cas, nous, on prône la communication, en fait, que toujours poser les choses, eh ben, ça peut vraiment éviter des expériences négatives, quoi, des agressions, en fait, qui vont être identifiées comme ça, peut-être bien plus tard, mais qui seront quand même ça. Sur le moment, et aussi juste des malaises, clairement, quoi. Ouais, c'est ça. On encourage les gens, en fait, à en parler, par exemple, avec nos amis, puis se donner des codes aussi pour dire comme OK, ben c'est ça, ce soir, oui, j'ai le goût de frencher, mais j'ai pas le goût de rentrer chez moi. Fait que, ou, mettons, avec un de mes amis, on s'est dit, si jamais on se voit dans un party, qu'on est avec quelqu'un, on va s'arrêter. Tu sais, même si, parce que des fois, on a la croyance, ah non, on va gâcher le moment et tout, mais des fois, c'est mieux de s'arrêter dans le moment, puis au pire, ben ça va être comme je te tends une perche, puis ah tiens, mon ami, t'es là, puis pour pouvoir quitter la situation si jamais la personne est malaisante, et sinon, ça va être ben oui, tout va bien, tu sais, puis continuer la relation qui va bien, tu sais. Donc c'est des petits trucs plus concrets qu'on peut faire, puis pour que le consentement ne soit plus qu'entre deux personnes, parce que c'est une réalité qui est collective qui est aussi plus grande que juste au niveau sexuel, par exemple. Là, on parle de pratiques aussi qui sont plutôt en prévention, en fait, pour empêcher ces agressions-là de se reproduire continuellement. Est-ce que vous pouvez parler aussi des processus que les gens utilise pour survivre aux agressions et confronter l'agression ou l'agresseur? Je pense qu'on n'est pas des expertes là-dessus. Moi, j'ai assisté, disons, à un forum public sur la justice transformatrice et j'ai trouvé ça assez intéressant que, donc, c'est un peu dans un but d'intégrer la communauté dans la transformation, dans la éventuellement une certaine guérison peut-être, mais de penser ces événements-là comme quelque chose de social, puis qu'il faut changer justement une culture, peut-être dans un idéal, changer la culture du viol pour la culture du consentement. Mais ce que je retiens de ces processus-là, dont je peux pas parler en détail parce que je les connais pas assez, mais c'est qu'il y a une volonté de politiser des actes qui sont commis dans le privé et de transformer la collectivité en même temps. Pour terminer, parce qu'il me reste quelques minutes seulement, en fait très peu, je vais poser la question sur une note peut-être plus positive, qu'est-ce que serait par rapport à tout ça, une sexualité de consentement, une sexualité saine, où on parle ça comme on voudra, mais une sexualité qui vaut la peine d'être vécue? Ce serait une sexualité où on a la place et on nous donne la place, en fait, de dire ce qu'on a envie pour soi-même, ce qu'on a envie de faire éventuellement, mais ça veut pas dire, parce qu'on dit tout ça, et d'un, que ça va se faire, et de deux, qu'on va le faire à quelqu'un d'autre, juste pouvoir dire, en fait, et exprimer où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on se sent, toujours pouvoir faire le point, et toujours questionner, toujours parler, de façon à ce que... je suis perdue. Ouais, ben pour moi c'est important d'ouvrir des espaces de parole, puis c'est ça qu'on a voulu faire dans nos ateliers, puis on est bien consciente que deux trois heures, c'est à peu près le temps qu'on passait à donner nos ateliers, c'est bien peu dans une vie, c'est bien peu pour parler de tout ça, que personnellement je crois qu'on devrait parler aux enfants dès leur jeune âge, qu'ils ont le droit de dire non et qu'ils ont le droit de dire oui. Puis, c'est ça, d'ouvrir des espaces de parole pour en parler, oui, avec nos partenaires, mais aussi collectivement, autant dans la société que dans nos groupes d'amis, pour se donner des trucs entre nous, pour se respecter aussi, puis respecter la volonté de chacun, chacune, de faire ce qu'ils et elles veulent de leur vie, parce que on est quand même dans une société profondément autoritaire, capitaliste et hétéropatriarcale. Hétérosexiste aussi. Ouais. Pour conclure cette fois-ci, est-ce que vous pouvez nous donner des références ou des choses auxquelles vous pensez que les gens devraient connaître? Moi, il y a une brochure qui est aussi un livre que j'aime beaucoup, qui est pas directement sur le consentement, mais qui est clairement sur la question des limites, en fait, et qui s'appelle « Non, c'est non ». Et c'est « Petit manuel d'autodéfense pour les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». Et c'est vraiment une brochure qui est conçue pour conscientiser la culture dans laquelle on est et arriver à comprendre le fonctionnement des... de cette société, justement, et qu'est-ce qui fait que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à poser des limites, à même concevoir qu'en fait on a des limites, et du coup de s'outiller en fait de psychologiquement d'avoir des moyens en fait, et après ça passe aussi sur des moyens physiques de défense en fait. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment très très pertinent comme brochure. Personnellement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, à la base, c'est The Ethical Slut. C'est la salope éthique. Puis c'est peut-être bizarre de parler de ça dans ce contexte-là, parce que c'est vraiment plus pour une sexualité positive, mais disons que ça m'aide à me réconcilier un peu avec... ça parle en fait beaucoup de comment avoir une sexualité saine, polyamoureuse. Pour moi, ça, c'est un peu pour contrer l'hétéropatriarcat, puis de quelque chose qui soit dans le consentement et l'aspect positif de la chose aussi. OK. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et pour toi d'avoir réalisé ta première entrevue à la radio. Ah, ben merci. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, bien merci. Merci. Merci à toi, Christian.